Je suis libre d'avoir 15 ans, même si c'est trop difficile. D'être moi devant mon miroir, dans ma famille. Je suis libre de penser comme j'ai envie. À 15 ans, je sais bien que tout le monde nous imagine. En t-shirt avec des baskets, un blue jean. Je suis libre de ne pas jouer dans ce film. Je suis libre. Papa, regarde-moi comme si j'étais.